est présenté par Mélomanes de musique francophone. La nouvelle programmation des Francopholies de Montréal est pour vous. Marie-Pierre Arthur s'amène avec son tout nouvel opus aux alentours. Le retour attendu de 12 hommes rapaillés qui chantent Gaston Miron. Aussi, l'intégrale des variations fantômes de Philippe B et le quatuor Molinari. Et l'ex-batteur des Cowboys fringants, Dom Lebeau, présente Chercher Noise. Billets en vente maintenant sur admission.com. Présenté en collaboration avec Ford du Canada, en association avec La Presse et CISM. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, bienvenue à cette deuxième émission de l'émission Le Terminus. En ce jeudi 17 mai, on a brisé la glace la semaine dernière, alors on revient pour une deuxième semaine de suite, si je peux dire. Et on va voir ce soir à l'émission du Félix de France, ou plutôt Félix La France, Japan Droids, The Band in Heaven, aussi un groupe rock argentin. Et aussi le classique de la semaine qui sera, ben, je vais vous en parler en fin d'émission, restez à l'écoute. Et j'aurai également vers 19h30-35 une paire de billets à donner pour un spectacle qui va avoir lieu samedi prochain dans le cadre du Festival de musique actuelle de Victoriaville pour lequel le CISM présente quelques spectacles super intéressants. On va débuter avec du Mickey 3D, la chanson « Avance ». En fait, qui est une chanson cachée qui se retrouve sur leur album « Tu vas pas mourir de rire ». Et peut-être à propos de Mickey 3D, je pourrais vous dire que ben, en 2007, le leader du groupe, Michael Fournon, avait sorti un projet solo. Et bien, mais il est revenu là, en 2009 avec une nouvelle orthographe et de retour avec le nom Mickey 3D. Une nouvelle orthographe qui s'explique en partie parce que c'est tous des nouveaux musiciens qui entourent maintenant M. Fournon. Et ça sera suivi de la 15e position du palmarès album de CISM, c'est Cook Soul. De Parlour et la chanson Just Marriage. Alors, à tout de suite! Allez, va traîner sur la place, va renifler le cul des fafes. Et s'il y en a un qui te plaît, mords-lui les cuisses et les mollets. Allez, va faire un tour en bain. Et puis dis-moi, qu'est-ce que tu vois? C'est pas les beaux jours qui reviennent, c'est le froid qui remplit la haine. Les bras cassés, bien cabossés, il ne te reste plus qu'à bosser. La dernière fois que je t'ai vu, t'avais l'air un peu plus cossu. Si on essayait un petit peu de se regarder dans les yeux, et si on évitait les flaques. Allez, avance. Allez, va traîner dans les rues, va trémousser ton joli cul. Et si on a un qui te siffle, tu t'approches, tu lui colles une gifle. Allez, va faire un tour en France. Et puis dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Les jours se lèvent, le vent se gâte. Les gens disent que c'est plus l'éclat. Inexplicable, inévitable. À poil étendu sur le sable. La dernière fois que je t'ai vu, t'avais l'air un peu plus charnu. Si on essayait un petit peu de se regarder dans les yeux. Et si on évitait les claques. Allez, avance et ne te retourne pas. Mets bien ton corps en évidence et pense à celles qui ne peuvent pas. Et si tu penses que l'amour ça suffit comme ça, reste en vacances. À ceux qui n'en ont pas. Allez, ne te retourne pas. Mmh. so bad could all become alive. Oh, how the nuptials, they only pull the wool over your eyes. So pity that the way we're all in high school again. And it's like it was there, she only wants it all to end. Many of the lonely will jealously tell you that true love is just a mirage. That it's all just I'm not afraid. directement de Norvège et menée par deux filles, Rosie et Ellie. C'était Fever Fever et la chanson The Chair, qui est un extrait que le groupe a lancé pas tellement longtemps là, sur Internet en prévision d'un premier album qui devrait paraître un peu plus tard cette année. Et juste avant, c'était les Montréalais de Parlour qui lançaient, quant à eux, mardi dernier, leur album Coke Soul, et ils donneront justement un spectacle qu'on peut dire lancement le 24 mai prochain au Jackie and Judy en compagnie de Jésus les Filles. Alors ça promet de rocker quand même pas mal. On va poursuivre avec un gars qui semble avoir embauché Navet Confit pour réaliser son premier EP, qui est pas mal intéressant. Ça rappelle en même temps un petit peu Malajube au côté du son du projet. Et en fait, surtout sur la chanson qu'on va entendre qui s'appelle Chante Faux. Le gars s'appelle Félix Lafrance. Vous êtes toujours à l'écoute du Terminus, une émission dédiée au rock indépendant. Tant qu'à le croire en rien, aussi bien le tout. Tant qu'à le croire en rien.

Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM, en compagnie de moi-même, Jean-François Lusignan. Venu d'entendre Hors Condor avec le vol du Condor. Et le groupe de Québec va lancer très prochainement un 7 pouces qui devrait contenir deux nouvelles chansons. Et ça va sortir sur l'écurie Musique. L'écurie est déjà, je crois, un groupe de promotion de spectacle. Et maintenant, ils ont aussi une division production donc pour sortir de la musique. Et derrière ce label-là, ce nouveau label-là, c'est l'équipe qui est aussi responsable du festival punk Pouza Fest qui en est à sa deuxième édition cette année et qui va débuter, je crois, la semaine dernière, à moins que je me trompe. Et avant Hors Condor, il y avait aussi The House That Evan Built, qui est le premier extrait du prochain Japan Droids, apparaître le 5 juin. Et je peux vous dire que j'ai pas mal hâte d'entendre ça, le nouveau Japan Droids. Et on va maintenant changer un petit peu de son. On va se taper un petit segment shoegaze sur les bords qui va débuter avec The Cloaks, une formation de New York qui est vraiment toute jeune. Ils donnaient justement leur premier spectacle au mois de février dernier. Et pour l'instant, on peut seulement écouter et télécharger une seule chanson qui est quand même assez prometteur, en tout cas. C'est sur leur profil Bandcamp. Ça s'appelle Dreams Are Gone, le groupe The Cloaks. On écoute ça tout de suite à CISM. We'll be right back. Groupe de Floride, The Band in Heaven, avec Sleazy Dreams, qui, une chanson qui provient d'un premier EP qui est sorti au mois de janvier dernier, c'est ça. Et avant, The Band in Heaven avait mis en ligne sur leur profil Bandcamp des trucs intéressants, mais d'inspiration toujours shoegaze, mais qui groovaient vraiment beaucoup, beaucoup moins que, en tout cas, ce qu'on vient d'entendre, la chanson Sleazy Dreams. Et si vous voulez retrouver ce que joue ce soir à l'émission, vous pouvez vous rendre sur le cism893.ca. Après l'émission, tout de suite dans les minutes qui vont suivre, je vais mettre en ligne la liste de chansons. Et vous allez pouvoir également réécouter l'émission si ça vous dit. J'ai maintenant une paire de billets à donner pour un spectacle qui va avoir lieu dans le cadre du Festival de musique actuelle de Victoriaville. Un spectacle qui va avoir lieu samedi prochain, le 19 mai, c'est ça, donc à Victoriaville. Spectacle de Ensemble Super Musique. Et sur le site de l'événement, on peut lire que c'est un spectacle dans lequel le groupe propose un concert inédit axé sur les techniques nouvelles et les sons d'instruments électroniques. Donc, musique actuelle de musiciens de Montréal. Si ça vous intéresse, appelez-moi pendant le prochain segment musical au 514-343-CISM-343-2476. Il faut être en mesure de venir chercher les billets à la station. Alors, voici maintenant Jaune Attends, un projet montréalais dont on ne sait pas grand-chose à part que le nom est une espèce de jeu de mots, Jaune Attends, et que ça sonne vraiment bien aussi. De l'album Freezers qui est sorti en 2011, voici Joe l'Indien de Jaune Attends à l'émission Le Terminus. Thank you. ever, ever. Yeah. c'était Mi Nave, ou Mon bateau en espagnol. C'est en espagnol parce que c'est un groupe d'Argentine qu'on vient d'entendre qui a fait le pari de faire du rock'n'roll, et pas en anglais, en espagnol, sa langue d'origine. Et c'était leur chanson Campanas, les cloches, et c'est tiré de l'album Brillante que vous pouvez télécharger gratuitement au minave.bandcamp.com. Et sur la pochette de l'album, vous allez voir, on peut voir un vieux monsieur dans une chaloupe qui tient dans ses mains un gros, gros, gros poisson. J'ai pas trop fait le lien avec le groupe. Peut-être le nom du groupe, c'est Mon bateau. Ça peut être un petit lien. Et avant Minave, c'est vrai, je vous ai aussi fait jouer du Mavo, un groupe de Montréal, et c'était la chanson Sleep Forever. Et si vous ne connaissez pas le groupe Mavo, vraiment, je vous invite à acheter un petit coup d'œil là-dessus. C'est mené par M. Mits Takahashi, un Japonais d'origine qui est aussi designer dans la vie et qui, je crois, est maintenant établi à Montréal, sauf erreur. Et félicitations au passage à Dominique qui va aller voir le spectacle de l'ensemble Super Musique samedi prochain au Festival de musique actuelle de Victoriaville, un spectacle qui est co-présenté par CISM. On est maintenant rendu à ce qu'on appelle le classique de la semaine, et j'ai choisi aujourd'hui pour vous The Breeders, le groupe de Kim Deal des Pixies, et c'est une chanson qui se retrouve sur l'album de 1993, Last Splash, mais j'ai plutôt choisi d'opter une version qui est un petit peu moins propre, moins clean que celle sur l'album. C'est une chanson qui se retrouve, une version qui se retrouve sur la compilation de l'étiquette 4-4-8-D qui s'appelle All Virgos Are Mad. C'est une compilation qui a été produite à l'époque où l'étiquette produisait à chaque année un festival dans la région de Los Angeles. Et sinon, à propos des Breeders, depuis 1993, là, où cet album-là, Last Splash, est sorti, ils ont sorti dernièrement, en 2008, un album qui s'appelle Mountain Battles. Donc, j'ai pas beaucoup pris de temps à écouter, mais je me promets de l'écouter sérieusement dans les prochaines semaines, et on devrait peut-être en réécouter à l'émission. Alors, on va écouter le classique de la semaine, The Breeders, avec Saints, et on se retrouve tout de suite après. Everywhere, look around, but I'll be there. Hot metal in the sun, pony in the air. Doing saints at the fair. Saints, what are you saying? C'était le classique de la semaine, The Breeders, avec Saints. On arrive pas mal à la fin de cette émission, le Terminus pour cette semaine. Le Terminus, c'est une émission, je vous le rappelle, qui est dédiée au rock indépendant. Et restez à l'écoute parce qu'après les publicités, ça va être Étienne Champagne et son émission Rythmologie pour les deux prochaines heures. Sinon, je vous invite à consulter la liste des chansons qui jouent ce soir, programmation de la station au CISM893.ca. On va se quitter ce soir avec The Joy Formidable, The Greatest Light, The Greatest Shade, tiré de l'album du nom A Balloon Called Morning, qui est sorti en 2010. Voilà. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Passez une très bonne semaine. On se reparle dans 7 jours. À bientôt. Blind with Rome, Bad Religion, No Use for a Name, As I Lay Dying, Dream Theater et plus de 100 autres groupes. Le Detox Rockfest le 15 et 16 juin à Montebello. À ne pas manquer, réservez vos billets et votre site de camping au pnrockfest.com. Detox Rockfest 2012, le party rock en Outaouais. Une collaboration Musique Plus, Loto-Québec et Desjardins. Bonjour, j'espère que ça va bien. Sur les ondes de CISM 89.3 FM, La Marge. Quel bonheur. Vous me faire jouer la bonne musique, hein? On va essayer du moins, on va essayer. C'est ce qui arrive quand on a un iPod Shuffle à la place du cerveau. Ça me surprend pas. Dans notre parcours sonore incroyable qui nous amène dans les hauteurs les plus vertigineuses jusqu'au bas fond marin. Non, excusez. Excusez-moi. Merci d'avoir été là. Mon corps en tremble encore. Et ce n'est que pour vous, chers auditeurs de CISM. Vous le valez bien. 89.3 FM, La Marge. Bonne semaine. Tous les mardis dès 21h, CISM vous fait voyager dans l'univers musical des cafés de Grande-Bretagne. Cardiff, Liverpool, Manchester, Glasgow, London Café vous présente la crème de la culture musicale britannique. Au menu, 1h30 d'indie rock, de folk et d'électro, so British. Sur les ondes de CISM 89.3. Ne manquez pas le retour de Laura Marling à Montréal. Samedi le 16 juin au Théâtre Corona, 2490 rue Notre-Dame-Ouest. Avec en première partie, Willie Mason. Procurez-vous vos billets dès maintenant au evenco.ca. Laura Marling, le 16 juin au Théâtre Corona. Présenté par Oceaga, Greenland et Blue Sky Stern Black. Vous l'attendiez avec impatience? Et oui, le Puzza Fest est de retour pour une deuxième année les 18, 19 et 20 mai prochains, toujours au centre-ville de Montréal. La programmation de cette deuxième édition est des plus impressionnantes avec maintenant 6 salles et 173 groupes, dont Lagwagon, Poison Idea, Less Than Jake, Hot Water Music, The Lawrence Arms, Bouncing Souls, Voodoo Glow Skulls et plus encore. Pour connaître la programmation complète, achetez votre passe de 3 jours ou vos billets, visitez lepuzzafest.com. Ensemble, assistons au 28e Festival international de musique actuelle de Victoriaville. John Zorn, Esmerin, Matana Roberts, The Silver Mount Zion Memorial Orchestra, Vrombe, Lucien Franqueur, Bill Laswell et Wadada Leo Smith. Du 17 au 20 mai, le 28e FIMAV. Billetterie et informations, fimav.qc.ca. Une collaboration de CISM et CHIZ. On est prêts? Random Recipe? Fab. Vince. Franny. Liu. 89.3 CISM. Et on aime ça.